j'ai pas le cœur facile. La solitude tranquille, j'suis comme ceux de mon âge qui ne font pas de stage pour apprendre à vivre. Chef.